Radio Campus, il est midi. Amateurs de boules et de cochonnets, réservez votre 18 mai, car Flonflon vous invite à la Wasp Pétanque Cup. Rendez-vous dès 8h à la Halle de Glisse, l'inscription coûte 3€, dont 2€ seront versés pour le Secours Populaire Français. Plus d'informations sur notre site internet www.flonflon.eu. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Bonjour, il est midi sur les ondes de Radio Campus, 106,6 MHz, sur campuslille.com et sur DAB+. Vous vous préparez à écouter Angle d'Attaque, une émission proposée par les trois comités locaux Attaque de la Métropole. Attaque A2TAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, une association d'éducation populaire. Pour vous servir aujourd'hui une équipe restreinte, puisque nous ne sommes que deux pour l'interview, Florent, maître du temps, de la pause musicale, de l'agenda militant, et moi, Christian. Didier, le nouvelliste, va rejoindre son micro en seconde partie pour nous parler des actualités d'attaque. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? De la mort, ou plus précisément de la fin de vie. Ce n'est pas un thème habituel à Angle d'Attaque. Pourtant, c'est une vraie question sociale, une vraie question de société aussi, de philosophie peut-être. Et puis, la fin de vie est en pleine actualité en ce moment, en dépit du poids de problèmes de retraite dont on reparlera avec Didier après la pause. L'actualité de la fin de vie, c'est la volonté de Macron de se doter d'une loi à la française qui pourrait être d'inspiration belge. C'est du moins ce qu'il a dit il y a un peu plus d'un an. Et l'actualité, c'est la Convention citoyenne qu'il a mise en place. On y passera du temps, bien sûr. Dans cette actualité, une association comme l'Association pour le droit de mourir dans la dignité est pas mal sollicitée par les médias. C'est une association connue en France et même reconnue. Elle est présente par des figures du showbiz, notamment Lynn Renault. Elle est soutenue aussi par la Ligue des droits de l'homme, l'Union des familles laïques, la Libre Pensée et quelques autres. Pour connaître un peu mieux cette association et son activité dans le Nord, nous avons invité sa déléguée départementale. Je reçois Monique Ladessous. Bonjour Monique. Bonjour et merci à Attaque de nous accueillir. Angle d'attaque. Un médecin devait être présent à tes côtés, mais il est actuellement en formation en Belgique, c'est pas neutre. Il nous a répondu écrit aux questions que nous lui avons posées. Bien, je ne peux même pas déléguer la première question comme c'est l'habitude, donc on va commencer très vite. Pourquoi adhère-t-on à la DMD ? Alors, la plupart des gens qui adhèrent dans une association comme la nôtre, hein, on n'est pas les seuls d'ailleurs, la DMD la plus ancienne et la plus connue, la plus forte en termes d'adhérents, on est à 70 000 à peu près adhérents en France et 1200 dans le département. Et deux autres associations existent, Le Choix, qui est beaucoup plus récente, et Ultime Liberté, un peu plus ancienne, qui est moins représentée dans cette région. Mais globalement, les gens qui arrivent dans ces associations ont été confrontés à une fin de vie douloureuse, insupportable, d'un proche. C'est mon cas d'ailleurs, hein. c'est la fin de vie de ma mère qui m'a amenée à la DMD et qui m'a amenée à militer pour une loi qui nous donnerait un droit nouveau, droit à choisir sa fin de vie dans certaines circonstances. Alors ce que reprochent les gens qui viennent chez nous au système actuel, c'est 9 fois sur 10 le mauvais ou l'absence de dialogue avec les services de soins, avec les équipes médicales. C'est ce qui ressort d'ailleurs dans le guide qu'on a sorti l'année dernière et à partir duquel on est parti pour analyser toutes ces situations. La mauvaise entente et des conditions surtout de fin de vie qui sont jugées insupportables et qui pourraient bien évidemment être améliorées. Alors justement, on parle de fin de vie. Alors il y a plusieurs termes. Il y a l'aide active à mourir, il y a l'aide médicale à mourir, et puis il y a aussi l'euthanasie. Et le suicide assisté. Et le suicide assisté. Alors, aujourd'hui, l'appellation la plus courante, c'est l'aide active à mourir en France. On ne dit pas aide médicale à mourir comme les Canadiens le font. Je pense que c'est la formule la plus juste. Alors, on dit aide active à mourir par opposition à la loi Claeys-Leonetti qui introduit la sédation profonde, qui laisse mourir quelqu'un le temps qu'il faut, qui n'agit pas activement. Et donc, pour se distinguer de cette dernière loi votée en France en 2016, il est convenu de parler d'aide active à mourir. Je pense que le plus juste serait de dire aide médicale active à mourir, l'AMAM. Alors derrière, il y a deux modèles qui s'offrent à nous. L'euthanasie, en effet. C'est d'euthanasie qu'on parle en Belgique et dans les pays du Benelux, Pays-Bas et Luxembourg. Également, maintenant, très récemment, en Espagne. Et on entend donc par euthanasie le fait qu'un médecin apporte un ultime soin à son patient et l'aide à mourir en lui injectant le produit létal. Et l'autre appellation qu'on entend très souvent, c'est le suicide assisté, qu'on définit très souvent et de façon réductrice comme le fait que le patient lui-même se prenne le produit soit par voie orale, soit actionne lui-même la seringue ou la perfusion. Et donc derrière les gestes ultimes, soit le patient se donne lui-même la mort, soit c'est le médecin qui agit. Il y a deux modèles et c'est important de s'arrêter là-dessus et de bien comprendre pour ensuite comprendre quels sont les enjeux et pourquoi des opposants s'affrontent en ce moment. Donc les deux modèles qui s'offrent à nous, c'est le modèle pour réduire, le modèle belge, pour aller vite, dans lequel l'euthanasie est un soin à part entière, donc prise en charge par le système de santé, et qui met tous les citoyens à égalité devant ce droit. Et puis le modèle suisse, qui est plus ancien, où là, au contraire, le médecin ne peut pas pratiquer une euthanasie sur son patient, mais où il s'agit d'un suicide assisté avec une aide indirecte du médecin qui va procurer une ordonnance à une association qui va être l'intermédiaire. Et dans ce système suisse, qui fonctionne bien pour les Suisses, l'aide à mourir échappe au système de santé et est complètement livrée au système privé. C'est la grande différence. D'accord, je crois que ces précisions sont utiles parce que c'est des choses qui ont dû être évoquées lors de cette convention citoyenne sur la fin de vie. On va attaquer ce problème, si je peux dire. Alors, on sait qu'à l'origine, j'en ai dit un mot, c'est Macron. Et puis, il y a deux instances qui ont été impliquées là-dedans. C'est le Conseil national d'éthique. Le Conseil consultatif national d'éthique et le CESE, qui est le Conseil économique, social et environnemental. Mmh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces quelques jours pour les 184 citoyennes et citoyens qui ont participé, qu'on appelle les conventionnels d'ailleurs, qui ont participé à cette convention? Mmh. D'abord, peut-être rappeler ce qu'est le CCNE, le Conseil consultatif national d'éthique. Donc, c'est une instance d'éthique, c'est son sujet. Elle émet des avis, quelquefois à la demande du gouvernement, quelquefois elle s'auto-saisit. Et là, le dernier avis qu'elle a rendu, c'était en septembre 2022, donc récemment. Il est un peu innovant par rapport à tous les avis précédents sur la question de la fin de vie, dans le sens où il admet qu'il est temps de parler d'une aide active à mourir, donc d'une forme d'euthanasie entrant dans le droit de la santé français. Mais avec une réserve d'importance, en demandant que ce soin ou que cette aide active à mourir soit réservée aux patients dont le pronostic vital est engagé à moyen terme. Alors, les médecins eux-mêmes ont un peu de difficulté à préciser ce qu'est un moyen terme. Ce qu'il faut savoir, c'est que La loi Leonetti autorise la sédation profonde, c'est-à-dire qu'on met quelqu'un en sédation, mais on arrête de l'hydrater et on laisse mourir. Et là, ce droit, si on peut appeler ça un droit, est réservé aux personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme, c'est-à-dire dont la mort est déjà engagée, dont les médecins savent qu'il n'y a plus que quelques heures ou quelques jours à vivre. Là, d'après le CCNE, il y aurait un progrès dans le sens où on élargirait un peu à quelques mois l'accès à cette aide active à mourir, mais c'est complètement insatisfaisant pour les militants que nous sommes. Donc ça, c'est le dernier avis du CCNE qui est quand même plus ouvert que les précédents, ça il faut le souligner. Et alors, ce qu'on peut reprocher aussi au CCNE, bon, c'est aussi son rôle, c'est un comité d'éthique. Il est formé, il est constitué d'experts. Et les usagers de santé sont complètement absents. Donc, encore une fois, la parole des principaux intéressés est pas bien entendue. Mmh. Alors, ce qu'a annoncé Emmanuel Macron dans son deuxième mandat, c'est qu'il y aurait une loi. Ça, c'était plutôt rassurant. Il a même évoqué l'idée d'une loi de type loi belge. Et ça nous avait plu. Et puis, il a lancé cette convention citoyenne confiée au CESE. Ça, c'est une bonne chose aussi, parce qu'on sortait du domaine plus médical. Et le CESE, qui est le Comité économique et social et environnemental, a réussi à faire travailler, depuis décembre, tous les week-ends, 184 personnes tirées au sort. C'est aussi l'intérêt de cette convention citoyenne, c'est que les conventionnels, comme on les appelle, sont des gens tirés au sort, c'est-à-dire c'est des gens comme toi et moi, ou des gens qui n'avaient jamais qui s'étaient jamais interrogés sur la question, ou d'autres qui au contraire étaient un peu plus informés, mais en tout cas ils sont représentatifs de la société française que nous sommes. Alors, ils ont une mission, donc il y a bien Macron et puis il y a sa première ministre. Une question peut-être d'abord de Didier. Non, juste pour demander si, enfin quand on voit un peu ce qu'a donné notamment ce genre de forum sur l'écologie et le climat, on peut quand même s'interroger sur non pas la pertinence, mais disons les résultats concrets que peut donner. Ce type de fonctionnement, démocratique certes, mais quand même assez peu suivi d'effet. Alors ça, l'histoire nous le dira. Et c'est vrai que là, on a à la fois de quoi se rassurer, parce que je vais parler des conclusions de cette convention, qui va dans le sens de ce que pense la majorité des Français. Et puis après, il y a ce qu'en fera en effet le gouvernement, dont on va parler aussi tout à l'heure, qui est moins rassurant. Oui. Oui, en effet. Et donc, la Première ministre a posé la question, c'est comme ça que ça se passe dans les conventions. La question est la suivante. Le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits? Et la réponse est nette et claire. Oui, le cadre actuel, donc dont la dernière loi est celle de Claes Leonetti en 2016, est largement insuffisante. Elle ne répond pas aux diverses situations qui se posent en fin de vie. Alors, la Convention citoyenne à 76% a voté pour l'ouverture d'une aide active à mourir, donc un droit à l'euthanasie dans certaines conditions, évidemment. Elle a aussi, ce qui est pas surprenant, puisqu'elle est à l'image de la société française, elle a aussi conclu que ce geste ultime devait être un geste de médecin, donc encadré par le corps médical, ce qui renvoie au modèle belge et pas au modèle suisse. C'était donc rassurant aussi. Et puis, ce qui est important, c'est que très vite, ils sont mis d'accord sur cette formulation, la volonté et le libre arbitre du patient doit être respecté dans toutes circonstances. C'est la première fois qu'on parle de libre arbitre. La volonté du patient, on en parle souvent, elle est rarement respectée, mais là, les conventionnels ont insisté, et c'est vraiment le préalable qu'ils ont posé, la volonté du patient et son libre arbitre doit être respecté dans toutes les circonstances. Alors, effectivement, donc, mais ça correspond effectivement à ce que pensaient les Français il y a 2-3 ans déjà. Les questions se posaient. Et généralement, les Français étaient pour une facilité de la vie. Bon, voilà, c'est quand même des choses qu'il faut savoir. Alors, j'ai pointé un mot que tu as dit et que, effectivement, ça peut choquer certains. En présentant les différentes façons d'aider à mourir, tu as parlé de soins. Est-ce que le mot est repris dans la convention? Alors, c'est le mot belge. Hein, oui. Et c'est aussi ce sur quoi les opposants s'arrêtent. Hein. Et donc, la convention citoyenne a posé que qu'il s'agit d'un soin dans un parcours de soins. Ils ont parlé de parcours de soins et complètement encadré par le corps médical. Donc, c'est très très clair. C'est le modèle euthanasie belge qui prévaut et le risque qu'on pouvait craindre, c'était que cette aide active à mourir soit d'entrée reléguée à des associations et au domaine privé. Donc c'est pas le cas. Les conventionnels ont tenu à ce que l'aide active à mourir soit comprise dans notre système de santé, dans le service public de la santé. Alors les opposants, bien sûr, il y en a, montent au créneau. Leur principal, bien sûr, argument, c'est que ça ne peut pas être un soin. Ils se réfèrent en général au serment d'Hippocrate et au code déontologique des médecins, serment d'Hippocrate qui a des versions diverses de par le monde, hein, qui évolue en fonction de l'évolution des progrès de la médecine. Pareil que le code déontologique des médecins qui change régulièrement, qui a intégré par exemple l'IVG qui n'existait pas. Et de même, Hippocrate n'avait pas pensé non plus à l'IVG ni à d'autres pratiques médicales maintenant courantes. Donc la première opposition, c'est celle-là. Mais si je devais résumer la pensée des opposants, qui est celle qui domine les porte-paroles des soins palliatifs? Et c'est de penser d'avoir la certitude que la demande d'aide à mourir n'existe pas. Que si un patient en fin de vie, un patient malade ou atteint d'une pathologie incurable, demande à mourir, ça n'est qu'un symptôme et qu'en fait il y a une autre raison. Alors cette raison peut être la dépression ou la pression de la famille, voire de la société, et que dans tous les cas, les soignants doivent apporter suffisamment de confort, de réconfort au patient pour qu'il renonce à son projet de demander une aide à mourir. C'est ce qui nous oppose évidemment à la société française d'accompagnement des soins palliatifs, dont les porte-paroles se battent contre l'évolution de la loi. Oui, alors, ici, ça devient compliqué parce qu'effectivement, ils sont nombreux. Il y a eu une pétition de 800 000 signatures. Non, il n'y a pas de signature. Ce sont des associations qui représentent, si on compte tous les salariés de leur domaine professionnel, 800 000 personnes. Ah. Mais il n'y a pas eu de signature. D'accord. Et encore une fois, il faut faire la différence entre les porte-paroles de la SFAP, cette association de soins palliatifs, ceux qu'on voit très souvent sur les plateaux de télévision et qui sont radicalement opposés à une évolution de la loi Claeys-Leonetti, et puis les salariés eux-mêmes de ces métiers, en particulier les aides-soignants, les infirmiers et aussi les médecins, qui eux sont confrontés à des fins de vie douloureuses et à qui finalement on n'a pas demandé leur avis. Oui, alors effectivement, c'est l'argument des soins palliatifs. Hein. Il y a une campagne à la télévision, dans les journaux, toujours à mots couverts en plus. C'est vraiment chiant, hein, cette façon de faire. Et c'est jamais... Parce qu'on sait que derrière le SFAP, il y a eu un évêque de Lyon, je crois. Il y a eu les... Pas les petites sœurs des pauvres, mais je ne sais plus quelle... Les dames du calvaire. Les dames du calvaire, c'est pas mal non plus. Ouais. Les petites sœurs des pauvres sont beaucoup plus respectables. C'est moi qui le dis. Bon, alors effectivement, on a cette idée que, ben, après tout, les gens, ils veulent mourir. Et même quand on leur dit, quand ils disent qu'ils veulent mourir, dès qu'ils sont en soins palliatifs, ben, ça va mieux, ils sont soignés, etc. Ils n'ont plus besoin de faire appel au suicide assisté ou à l'euthanasie. Mmh. C'est généralement ce qu'on entend. Ils oublient quand même deux choses. Ben, il y a la volonté de la personne qui n'est pas respectée, c'est quand même un peu fort. Et puis, de l'autre côté, ils oublient quand même les problèmes lourds de démence et puis d'Alzheimer, bien sûr. Mmh. Ah oui. Ouais. Donc ça, c'est des choses que vous devez mettre en avant. Enfin, j'imagine, c'est pas... Comment ils traitent ça en Belgique, alors ? Alors, en Belgique, la loi date de 2002, déjà, donc une très grande expérience. Et le principe de base pour accéder à un soin ultime, qui est l'aide à l'euthanasie, c'est d'être dans une situation que les Belges nomment « sans issue ». Donc, atteint d'une maladie dégénérative ou atteint de suffisamment de pathologies incurables. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir retrouver la santé ou on ne va pas pouvoir retrouver un mode de vie normal. C'est la première condition. Il faut être dans une situation sans issue, c'est-à-dire non guérissable, incurable. Ensuite, il faut être en parfait état de conscience, ce qui exclut d'ailleurs les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer quand elles sont entrées dans la phase de démence. Il faut donc être en pleine capacité de discernement. Avant, donc. Voilà, pour demander cette aide. Ensuite, depuis 2014, l'euthanasie est possible pour des mineurs. Ils ont fait évoluer leur loi en 2014. Ça représente très peu. Depuis cette date, 4 mineurs seulement ont obtenu cette aide, dans des conditions qui sont bien plus contrôlées encore que normalement, avec l'accord des parents, évidemment, et qui exclut pour les mineurs les maladies mentales, la maladie mentale. Parce que, alors ça, c'est quelquefois un peu compliqué à comprendre. Quand on est entré dans la démence complète, c'est difficile les médecins belges n'acceptent plus parce que les capacités de discernement, eh bien, le patient ne les a plus. En revanche, une souffrance psychique peut être prise en compte. Et même une maladie, on pense à une dépression chronique, incurable, qui pourrait entrer dans le cadre de la loi. Mais ça exclut la démence totale. Les Belges, les Hollandais, réfléchissent, sont en train d'essayer de faire évoluer la loi dans ce sens. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Je vois que la connaissance votre connaissance du domaine de Belgique suppose des contacts fréquents avec les Belges. Mais bon, on va essayer de répondre à la question de Didier maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette loi, sachant qu'il y a quand même des changements en France dans la mentalité des Français et est-ce qu'on va continuer de s'opposer, comme pour les retraites ? Alors, moi, ce que je peux dire, c'est que si cette loi ne répond pas aux attentes des Français, qui, pour faire court, et pour reprendre les termes d'un laboratoire de Grenoble, aujourd'hui, les Français entendent mener leur vie comme ils veulent, du début à la fin. Ils entendent avoir la sexualité qu'ils veulent, avoir recours à l'IVG, fonder une famille ou pas, et en bout de course, décider de leur fin de vie s'ils pensent que leur vie est terminée. Donc ça, c'est l'état d'esprit des Français dans lequel nous sommes. Si la loi répond à nos attentes, eh bien, nous serons satisfaits. Sinon, les Français continueront, comme aujourd'hui, à se tourner vers la Belgique, pour d'autres, vers la Suisse. Ceux qui ont un peu plus de pognon, déjà. Oui. Il faut dire quand même que les conditions d'accès au suicide assisté en Suisse sont médicales, sont les mêmes que pour la Belgique, sauf les mineurs qui ne sont pas acceptés. Mais il faut quand même être dans une situation incurable. Et pour reprendre l'exemple de Jean-Luc Godard, qui a bénéficié du suicide dans son pays, le dossier médical annonçait une multitude de pathologies invalidantes. Une polypathologie. Polypathologie invalidante. Mmh. Donc, c'est pas forcément un cancer en phase terminale, c'est pas forcément une maladie dégénérative, mais il avait quand même, ça peut inclure la cécité, ça peut inclure la surdité, mais il y a quand même un dossier médical. Un fan de Jean-Luc Godard. Oui, ça, je suis un fan, mais s'agissant d'un domaine plutôt sociétal et qui n'est pas censé impliquer des dépenses somptueuses, comme par exemple sur le climat ou l'écologie en général, est-ce qu'on peut pas imaginer que ça sera plus facile d'avoir quelque chose C'est une bonne question. Alors, en principe, oui, on pouvait penser que sur ce sujet, et même le président pouvait se refaire une petite santé sur son aile gauche, puisque apparemment le centre et la gauche, et même une bonne partie de la droite, sont acquis à ce droit nouveau. Mais les dernières prises de parole nous rendent un peu plus sceptiques. Alors, d'abord, l'annonce d'Emmanuel Macron, quand il s'est présenté devant la Convention citoyenne et qui a dit très clairement qu'il allait demander à son gouvernement, au ministre, de co-écrire le projet de loi avec les parlementaires. Alors moi, ça m'a fait réagir immédiatement, parce que, pour bien que les gens comprennent, le projet de loi vient de l'exécutif et il est soumis au Parlement, qui joue son rôle pleinement, qui peut amender, critiquer, voter pour ou contre. Mais c'est la règle de tout projet de loi, effectivement. C'est la règle du projet de loi. Une proposition de loi peut venir d'un député ou d'un sénateur. Il y en a eu 5, d'ailleurs, dans le premier mandat de Macron, qui n'ont abouti à rien. Et donc là, le fait de demander déjà aux parlementaires de co-écrire le projet de loi, pour nous, ça veut dire clairement qu'il court-circuite la procédure normale et qu'il veut aller très vite à une loi, un consensus, qui risque fort d'être un consensus mou et insatisfaisant pour nous. Donc c'était la première crainte. Et puis alors le week-end dernier, on a découvert dans Le Monde le ministre de la Santé. François Braun. Voilà, on ne savait pas qu'il existait parce qu'il n'avait pas trop pris la parole jusqu'à présent. Donc on est content de savoir qu'il est vivant. Et la secrétaire d'État, Agnès Firmin-Lebaudeau, qui se sont exprimées très clairement, de façon inacceptable à mon avis, en faveur du suicide assisté. Ce qui est un retournement de situation complet par rapport à ce qu'avait annoncé Emmanuel Macron avant la Convention citoyenne. C'est tourner le dos complètement aux conclusions de la Convention citoyenne. C'est tourner le dos à ce que répètent les Français dans tous les sondages depuis des années, et c'est extrêmement dangereux. Et nous allons, nous, militants, reprendre notre bâton de pèlerin et aller parler, discuter, débattre. Oui, c'est-à-dire que si je peux ajouter un mot, puisque ça m'a fait réagir également, très tranquillement, dans son article, dans son papier dans Le Monde, il expliquait que, pourquoi pas une association, quoi. Donc, tourner le dos au service public, carrément. Et donc, le geste létal, donnons ça à une association, on va se démerder avec ça. Et puis voilà, en gros, c'est ça. On essaie d'aborder la troisième partie, c'est-à-dire comment l'ADMD départementale, comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle fait. Alors nous, ce que nous faisons, et de plus en plus, c'est débattre. Discuter, débattre, écouter, répondre à des questions. Et nous multiplions donc les débats. J'étais à Tourcoing cette semaine. Et nous serons à Sciences Po au mois de mai, le 22 mai, avec deux intervenants. Un médecin des soins palliatifs, Régis Aubry, qui est souvent sur les plateaux de télévision aussi. Et une juriste, Martine Lombard. Les deux sortent un livre en ce moment, Et donc nous serons avec eux le 22 mai. Le débat était prévu en mars, mais avec les mouvements sociaux, ça n'a pas pu se faire. Et on attend donc de ce débat un moment de vérité, parce que les deux sont pas bien sûr complètement d'accord sur ce qu'il est convenu d'attendre d'une loi sur la fin de vie, mais sont deux personnalités de qui on peut attendre un débat honnête et franc. Donc moi j'invite tout le monde à noter cette date, le 22 mai. Et avant cela, à l'AMRES, le 16 mai, nous serons avec un médecin, François, qui devait être là aujourd'hui et qui se forme en ce moment auprès de ses confrères belges, et un philosophe à l'AMRES, donc, pour discuter des enjeux de cette loi à venir sur la fin de vie. Et là, c'est la date, c'est le 16 mai. Ah, c'est avant le c'est débat. avant Sciences Po, à l'AMRES. C'est un crash test, alors. À FIV. Alors oui, on débat, on discute et on s'aperçoit d'ailleurs que les gens sont de plus en plus, de mieux en mieux informés. On rencontre les élus, les députés aussi et les sénateurs, et pour s'assurer que ce sujet est bien pris au sérieux, on est quelquefois surpris de leur manque d'informations sur des questions aussi simples comme la différence entre le modèle suisse et le modèle belge. Mais bon, en même temps, les députés et sénateurs ont tellement de sujets à traiter qu'on peut imaginer qu'ils ne sont pas forcément experts de chacun de ces sujets. Et nous, si on veut qu'ils jouent pleinement leur rôle au moment où ils vont débattre à l'Assemblée, on a cet objectif de les informer au maximum et de répondre à toutes leurs questions. Donc on les rencontre en ce moment, on a rencontré quelques-uns, tous bords confondus d'ailleurs. Et puis, l'autre activité que nous avons, c'est de répondre aux questions qui nous sont posées par des gens en situation difficile. Bien souvent, la plupart des gens qui nous appellent dans la délégation, on est évidemment frontalier, donc les gens nous appellent pour nous demander comment ça se passe en Belgique, bien souvent pour se rassurer, pour se renseigner, sans avoir forcément une demande précise à être suivi par un médecin belge. Mais on a reçu l'année dernière, dans notre bilan, on fait état de 125 appels, essentiellement des appels téléphoniques et beaucoup d'appels d'appels au secours quelquefois et d'appels pour décrire des situations insupportables dans les hôpitaux que vivent un proche. Et puis pour certains d'entre eux, donc atteints d'une maladie, comment je peux faire pour aller en Belgique? Et là, on sait que sur ceux-là, qui vont peut-être entamer une procédure en Belgique, encore un nombre très limité ira jusqu'au bout de la démarche. Oui, alors donc, ces appels téléphoniques ont amené à la fabrication d'un guide. Voilà, donc les témoignages qu'on recevait ont fait l'objet donc d'un guide qu'on a diffusé l'année dernière et qui nous a amené des nouveaux adhérents et des gens, en particulier des médecins. D'où la création d'un comité médical l'année dernière, 2022. Et donc en même temps on regrette, mais on sait pourquoi les médecins sont pas là, puisqu'ils sont en Belgique avec leurs confrères et consoeurs, sont en train de se former. Mais ils ont répondu à nos questions et on va peut-être pouvoir aborder ce point. Allez, on va aborder ce point. Effectivement, donc c'est le docteur Mourioux, c'est ça? François Guillemot. Ah, Guillemot, je confonds avec l'autre alors. D'accord, François Guillemot. Donc, je vais vous faire part du document que nous a envoyé François Guillemot. Alors, je précise que ces médecins sont tous retraités. Oui. Et donc, ils pensent qu'ils font ce coming out, me semble tout à fait intéressant. Bon, alors, qui sommes-nous ? Le comité médical se présente comme un groupe de médecins investis dans le choix de la fin de vie. Et ils sont membres de la DMD ou pas, d'ailleurs. Ils sont au choix citoyen dont tu as parlé. Mmh. Alors, le comité, il fait quoi ? Il essaie d'accompagner les personnes qui sont... en discussion d'aide médicale à mourir, quoi, hein, c'est ça. Donc, il les rencontre en binôme et il passe beaucoup de temps à écouter les demandes des personnes qui viennent les voir. Et si les motifs sont compatibles avec la loi belge, bien sûr, alors ils établissent un dossier médical qui est validé par le patient. Si le patient le souhaite, s'il veut aller plus loin, ben, on prend une consultation auprès des collègues belges. Voilà. Et ensuite, il y a aussi cet aspect que Monique a évoqué tout à l'heure, c'est que on peut être en difficulté en France. Et donc, on peut les appeler, si tant est que les gens le connaissent, on peut les appeler pour qu'ils viennent essayer de débrouiller un peu les situations difficiles pour des gens qui sont hospitalisés en France. Alors, cet accompagnement, c'est des gens qui sont dans un parcours de fin de vie annoncé. Ils travaillent les médecins sur leurs hésitations, parce que on l'a dit un peu, il y a des gens, beaucoup de gens qui, enfin, un certain nombre de gens qui veulent y aller, mais aussi il y a des gens qui renoncent à la dernière minute. Et puis, il s'agit surtout de ne pas encombrer les officines des médecins belges qui commencent à en avoir un peu marre de voir débarquer des Français. Donc, ils sont en formation, on vient de le dire. Alors ça, c'est très intéressant, parce que le comité médical, bien sûr, ils ont chacun leur propre expérience professionnelle, mais ils ont une formation spécifique en Belgique. On avait entendu par un médecin belge, une première fois qu'on était allé voir un médecin à Bruxelles, qu'il y avait une formation, et j'ai demandé si les médecins français pouvaient venir. Il dit, mais bien entendu, il n'y a pas de problème, on les accueille. Alors c'est bien, parce qu'il y a des médecins... Il y a des juristes, des philosophes, y compris des gens, des religieux, qui sont investis dans ce domaine de la fin de vie. Et puis, ils ont aussi un sérieux accompagnement des copains médecins belges. Alors, pour revenir un peu sur, un peu cyniquement sur les statistiques, ils ont rencontré, en 10 mois d'existence, ils ont rencontré une trentaine de patients, dit le docteur en question. Une petite dizaine a suivi une première consultation en Belgique et 3 ont été jusqu'au bout de leur démarche. En fait, c'est très peu, au final, ce travail de consultation. Et je crois que c'est quand même quelque chose qui peut se développer. Et on leur a demandé qu'attendre d'une nouvelle loi. Je pense qu'effectivement, nos collègues du comité médical souhaitent évidemment voir la loi belge comme modèle à la loi française. Et surtout... ils insistent sur le fait, c'est pour ça que je reprenais tout à l'heure le mot, ils insistent pour dire qu'en Belgique, l'aide médicale à mourir est un soin, dans le cadre dès les premiers articles de la loi. Bon, d'ailleurs, on peut se demander, en plus, si tout ça est légal d'aller accompagner en Belgique. Alors oui, c'est parfaitement légal, évidemment. Il faut rappeler quand même qu'on est en Europe et que chacun d'entre nous, si on veut être suivi pour n'importe quelle maladie, d'ailleurs par un médecin belge, eh bien on peut le faire, on n'a de compte à rendre à personne, et les consultations en Belgique nous sont remboursées. Tout cela est parfaitement légal. Les médecins, ce qui est important aussi sur l'activité, donc tu l'as bien dit, ils se sont donné 2 missions. D'abord, essayer quelquefois de dépatouiller des situations difficiles avec leurs confrères français, avec les médecins français souvent hospitaliers, et ils le font. Et puis également accompagner en Belgique pour éviter que des Français se voient refuser l'aide parce qu'ils n'entrent pas tout à fait dans le cadre de la loi belge, et ça serait un échec en plus dans une situation déjà difficile. En même temps, ils préfigurent ce qu'ils feront. Si la loi passe, ils vont continuer à accompagner et à former d'autres médecins. Juste un point là-dessus. On entend souvent dire les médecins sont contre. Dans un pays comme le Canada, on a énormément de données chiffrées du Canada. Ils en sont à leur troisième bilan annuel. Et là, je lisais récemment que sur l'ensemble des médecins canadiens, seulement un peu plus de 1% ont pratiqué au moins une euthanasie dans l'année. 1,6% pour être précis, c'est-à-dire très très peu. Et ça suffit pour répondre aux demandes, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, les demandes d'aide à mourir qui aboutissent sont toujours l'exception, sont très limitées en nombre. Il n'y a pas de vague sur les 20 ans de la loi belge, il n'y a jamais eu et il n'y a pas de progression exponentielle des demandes d'aide active à mourir, c'est pas vrai. D'accord, bon, on nous reste quelques minutes, 4 minutes. Est-ce qu'on peut dire maintenant que c'est quoi une bonne loi de fin de vie ? Alors, une bonne loi de fin de vie, ben, c'est un peu ce que le préalable qu'ont posé les conventionnels. C'est un droit qui placerait d'abord la volonté et le libre arbitre du patient. C'est un droit du patient et pas un droit du médecin. Un droit du patient qui serait premier, qui serait le préalable avant même le diagnostic médical et avant même l'avis du médecin. D'abord, le droit du patient. Que le patient soit au centre de la question. Et c'est ce qui est important aujourd'hui. On entre, je pense, dans une phase où le combat va être sémantique. Chaque mot pèse. Et par exemple, quand dans un article de loi, il est écrit que ce droit est ouvert aux gens malades ou atteints d'une maladie incurable, le mot « maladie » est déjà restrictif. Il exclut toutes les affectations, en particulier les affectations de la fin de vie, qui sont pas forcément des maladies, mais qui peuvent rendre la vie impossible à une personne très âgée. Et donc, que la parole du patient, sa volonté, soit première avant son âge, ce qui veut dire qu'il faut éviter de limiter, dans un premier article de loi, l'accès à ce droit à des personnes majeures, parce que comment peut-on imaginer qu'un médecin détourne le regard d'un enfant qui souffre et qui demande à être aidé pour mourir s'il n'introduit pas un critère moral? Le médecin doit pouvoir entendre toutes les demandes de souffrance. Donc que la personne soit véritablement entendue et que sa souffrance soit entendu avant même la catégorie de situation médicale dans laquelle elle s'inscrirait. C'est vraiment, il nous semble, ce sur quoi nous devons continuer à nous battre. Bien, on va terminer là-dessus. On va quand même pas tout à fait terminer là-dessus. Il y avait des lectures. J'ai amené celui de Martine Lombard, donc qui sera à Sciences Po. L'ultime demande aux éditions Liana Lévy, que je ne connaissais pas, mais je ne peux pas tout connaître. C'est très intéressant, j'ai beaucoup apprécié ce bouquin. Il y a un téléphone pour la DMD. Oui, alors je vais rappeler, donc, si vous voulez nous contacter, c'est le 06 07 65 69 18. Et puis il y a deux mails, admd.mel@59@laposte.net. Et puis, admd59@admd.net. Voilà. On peut peut-être passer à la pause musicale, mais avec une présentation de Monique. Alors, peut-être terminer ce débat sur un clin d'œil avec le Déserteur de la vie, qui est une relecture du Déserteur de Boris Vian. Et qui, bien évidemment, n'est pas un programme, et c'est juste une chansonnette, c'est même une goguette, c'est-à-dire une chanson reprise et dont les paroles ont été modifiées, et qui est là, interprétée par Thibaut de Feuvert, à la guitare, tout simplement. Et c'est toi qui as composé les paroles. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je vais bientôt devoir âge avancé, penser à m'effacer avant qu'il ne soit trop tard. Monsieur le Président, je n'irai pas en EHPAD, je ne suis pas malade, j'ai encore toutes mes dents. C'est pas pour vous fâcher, mais faut que je vous dise, ma décision est prise, je vais me faire euthanasier. Des amis et des frères, et pleurer des enfants. Ma mère a tant souffert, réclamant l'élixir qui la ferait mourir et qu'on la mette en terre. La vieillesse est cruelle, elle s'attaque à mon corps, brise tous mes efforts et me veut sous tutelle. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, je prendrai le chemin. Je finirai ma vie sans attendre la Camarde, j'ai bien trop peur qu'elle tarde. Et je dirai aux gens, refusez de subir morale et compassion de dévots compagnons qui essaient de vous retenir. Et s'il faut en même temps devenir hors la loi pour imposer mon droit, monsieur le président, je n'hésiterai pas que vous le vouliez. Sans attendre votre loi, je pars et c'est mon choix. Et donc c'était Thibaut Defever, le déserteur de la vie. Vous êtes bien sur Radio Campus 106.6 et c'est la suite de l'émission Angle d'attaque et on va passer aux actualités. On va passer la parole à Didier. Les actualités d'attaque donc au plan national. Bon, on va parler un peu de Gérald Darmanin qui est un peu le régional de l'étape, hein, on le connaît. Donc on commence avec notre bon ministre de l'Intérieur, donc pourfendeur des écoterroristes et de l'ultra-gauche. On peut noter par ailleurs sa relative complaisance envers l'extrême droite, mais c'est un autre débat. On aura observé sa volonté de dissoudre le soulèvement de la Terre, l'alliance d'associations écologiques, ainsi que sa réflexion profonde sur les subventions étatiques et des collectivités accordées à la LDH. La LDH toujours vent debout contre l'extrême droite et qui dénonce toujours les violences policières, même si le terme étouffe, et il l'a dit comme ça, Gérald Darmanin. Le pauvre homme. Voilà, donc on passe aux retraites. Actualité brûlante avec la décision du Conseil constitutionnel qui a été rendue donc hier soir. Une partie du communiqué d'attaque, donc le Conseil constitutionnel a manqué une occasion historique de s'affirmer comme le garant de la démocratie et des libertés face au coup de force du gouvernement et à l'instrumentalisation d'un PLFRSS et de certains articles de la consultation aux seules fins d'imposer brutalement sa réforme. Mais sa décision n'ébranle en rien notre détermination. Nous ne lâcherons rien. Et nous continuerons à combattre cette réforme injuste et injustifiée dont l'illégitimité est patente. Plus encore, nous continuerons à dénoncer et combattre le projet d'un gouvernement au service des plus riches, dont la violence sociale n'a jamais été aussi évidente. Je cite. Voilà, donc, pour l'abandon, désarmons les criminels climatiques. Donc, c'est une campagne d'attaque nationale qui se poursuit depuis pas mal de temps. Donc, ne laissons pas les ultra-riches et les multinationales détruire la planète. Il y a une pétition, donc, signable sur le site d'attaque, enfin, franceattaque.org, l'onglet « Nos idées ». Ensuite, pour l'abandon de l'accord Union européenne-Mercosur, donc Attac s'est toujours battu tout au long de son existence contre les traités dits de libre-échange. Alors la bataille contre le CETA n'est pas terminée, ni celle contre l'accord UE-Mercosur. Donc Mercosur, c'est à la fois le Brésil, l'Argentine, le Paraguay et l'Uruguay, donc une large partie du cône sud, comme on dit. Donc actuellement, Attac se mobilise avec ses partenaires du collectif Stop CETA et Mercosur pour stopper ces accords et promouvoir de nouvelles régulations internationales et une relocalisation écologique et solidaire. On note quand même que Lula est en train de reconstruire le BRICS avec peut-être Xi Jinping. Avec la Chine qui est intéressée. Donc sur le site de l'Observatoire de la justice fiscale, bon, on en a déjà parlé, mais c'est toujours bon de le rappeler, plein d'informations utiles et intéressantes sur la fiscalité, les inégalités, et pour une politique fiscale qui rendrait du pouvoir d'achat au plus modeste, tout en taxant les riches à la hauteur de leurs avoirs. On va dire, vous n'aimez pas les riches. On dira non. Ensuite, sur nous sommes le soulèvement de la terre, là aussi, après Sainte-Soline et sa répression féroce. Donc, c'est un appel qui a été lancé par l'intermédiaire du monde, notamment, et de Mediapart. Donc, c'est là aussi un appel qu'on invite à signer. Oui, il y a un tas de collectifs soulèvement de la terre qui se créent en France. Mmh. Et enfin, au plan national, donc un rassemblement des comités locaux, donc qui aura lieu les 10 et 11 juin, et donc Attac. Au plan local, tu veux dire. Au plan local, ouais. Attac suggère des propositions d'ateliers. Sur le plan local, donc il y a une réunion d'adhérents des trois comités qui est prévue le samedi 10 juin, probablement au Polder. On attend encore d'avoir des retours avant d'annoncer la date officielle et le lieu, enfin le lieu en tout cas. Ouais, c'est une rencontre qui vaut vraiment le coup en principe entre nous. Hein, on essaie de discuter au niveau départemental aussi, et notamment de la COP28, pourquoi pas. Alors, à l'heure du jour, donc, on a aussi les 25 ans d'Attac avec un événement, donc, théâtre, expo. On va essayer de faire les choses plutôt bien, qui sera prévu pour la rentrée, certainement vers octobre-novembre. On a aussi un débat public sur la critique des médias qui aura lieu le 16 juin à l'École supérieure de journalisme, donc 50 rue Gauthier de Châtillon à Lille, pour ceux qui ne le savent pas. Donc Attac est partenaire de cette soirée organisée par l'hebdomadaire Politis, par Acrimed, avec les Amis du Monde Diplomatique et la Ligue des Droits de l'Homme comme partenaire. Voilà, et une dernière chose, c'était sur les retraites, c'est fait, mais sur savoir que les trois comités locaux, disons Attac Métropole, s'associera à tous les communiqués de la LDH pour dénoncer les violences policières. Voilà donc ces activités locales. Merci Didier. Je pensais à autre chose. Donc oui, alors effectivement, à l'ESJ, oui, tu ne l'as pas dit l'heure. C'est 18h à l'ESJ. 18h à l'ESJ. Enfin, c'est le 16 juin, il y a encore un peu de temps. Oui. Alors, un mot quand même des prochaines émissions. Oui, je crois qu'on a un peu de temps, là, pour une fois. C'est que les prochaines émissions, donc, ce sera aussi quelqu'un d'Acrimed. C'est, tu me rappelles le nom ? Nils Solari. Nils Solari, qui vient d'Acrimed. Et qui vient, ce sera le cinquième samedi du mois d'avril. Donc, c'est dans 15 jours, ici, bien sûr, dans le studio de Radio Campus. Donc, sur les ondes de 106,6 MHz. J'oublie toujours de le dire, enfin, je me le fais rabrouer à chaque fois sur ce thème-là. Le 20 mai, nous aurons quelque chose d'aussi particulier que des choses sur la fin de vie, c'est-à-dire pas vraiment dans les créneaux d'angle d'Attac habituel. Ce sera la psychanalyse et écologie avec une copine de lutte, Bénédicte Vidaillé, qui vient de sortir un bouquin qui est très intéressant, dont le titre est un peu choc, « Pourquoi nous voulons tuer Greta ?» Il s'agit de Greta Thunberg, bien entendu. Voilà, et il faut encore qu'on se décide pour le mois de juin. Voilà, on va te passer la parole, Florent. Oui, Donc ce soir à 20h, projection « On a mal à la dette », un documentaire de Pierre Carle, réalisé en 2015. On en parle souvent dans cette émission. Les politiques d'austérité et les coupes budgétaires sont-elles les solutions pour réduire la dette ? En France, selon le CAC, Comité pour un audit citoyen de la dette publique, 59% de la dette publique serait illégitime. Elle s'expliquerait ainsi par des cadeaux fiscaux et par des taux d'intérêt excessifs mettant l'État dans une situation de surendettement chronique. Et donc c'est proposé par le réseau Salariat et ce soir au cinéma L'Univers, 16 rue Georges Danton à Lille à 20h. Suite des projections en soutien aux caisses de grève dans les Flandres, donc cette fois c'est projection de Debout les femmes de François Ruffin à l'épicerie bar Les Biomont, 121 rue de Gortzerzeld à Berten, c'est mercredi 19 avril à 19h. Et les apéros des bénévoles débarquent à Lille hein, et ça se passe à la Moulinette. Alors citoyennes, citoyens, bénévoles, associations, collectifs et tiers-lieux, rejoignez l'apéro pour créer du lien et construire des ponts entre les initiatives. C'est au café cantine La Moulinette, 105 boulevard Victor Hugo à Lille et c'est le jeudi 20 avril à 18h. Présentation et discussion autour du livre « La mémoire du futur » de Pierre Dardot. Au Chili, en 2019, un soulèvement populaire ébranle le système néolibéral grâce aux mouvements sociaux, notamment les Mapuches, les femmes et les étudiantes et étudiants. En 2022, la proposition constitutionnelle est rejetée par référendum. Entre deux, il y a eu, contre les monopoles des partis, réinvention de la démocratie par les citoyennes et citoyens. Cette action requiert un exercice de l'imagination collective, celui de la mémoire du futur. Donc deux dates de lieu, vendredi 21 avril à 19h30 au LAG, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin, et le samedi 22 avril à 14h30 à l'Anamorphose, 48 rue du Lompeau à Lille. En partenariat avec l'Étincelle, conférence gesticulée « Faut que ça sorte » de Essé Messant. Foudroyé par un surmenage à 28 ans, Essé part de son histoire pour dévoiler une des facettes du burn-out de l'intersection des multiples charges mentales. Elle décortique son parcours de vie perso et professionnel, associe des situations vécues aux oppressions systématiques sexe, race, classe, afin de comprendre comment ces poids nous rongent de l'intérieur. C'est à l'hybride, 18 rue Gosselet à Lille, le jeudi 20 avril à 20h30. Et pour finir, ce même soir, donc le 20 avril, décidément bien chargé, rencontre du Ici Bar, édition numéro 5, conférence sur la réforme des retraites avec Nicolas Postel, l'économiste de l'Université de Lille et au CNRS. Alors. Comment ? Non, bon. Et seront abordées les thématiques suivantes. Quelles sont les alternatives hein, quels sont les enjeux sociaux, écologiques, politiques, économiques de la réforme actuelle? Comment renouer avec la démocratie et bifurquer pour prendre la perspective d'un mode de production soutenable? Comment atterrir? C'est le jeudi 20 avril à 19h au Ici Bar, 10 rue Incarmant à Lille. Et donc, vous pouvez retrouver ces rendez-vous et d'autres sur lille.demosphère.net. Merci Florent. Merci à Angle d'Attaque. Ouais, merci, je voulais simplement dire pour la prochaine émission, donc c'est évidemment l'Acrimed avec Neil Solari, et ça sera évidemment Action Critique Média, c'est Acrimed, donc ça sera une critique des médias dominants et une réflexion sur les médias alternatifs. Entendu. Bien, c'est le moment de se quitter. Prenez soin de vous pour ce week-end et pour les jours suivants. Et comme je disais la fois dernière, prenez soin de vous et gardez-vous d'arrêter de lutter et continuez la lutte.